La Lorelei de Alcol de Guillaume Apollinaire, enregistré pour LibriVox.org. À Jean Sève. À Barara, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. Devant son tribunal, l'évêque la fit citer. D'avance, il la solvit à cause de sa beauté. Ô belle Lorelei aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie? Je suis lasse de vivre, et mes yeux sont maudits. Ceux qui m'ont regardé, évêque, en ont péri. Mes yeux, ce sont des flammes, et non des pierreries. Jetez aux flammes cette sorcellerie. Je flambe dans ces flammes, ô belle Lorelei. Qu'un autre te condamne, tu m'as ensorcelé. Évêque, vous riez? Priez plutôt pour moi la Vierge. Faites-moi donc mourir, et que Dieu vous protège. Mon amant est parti pour un pays lointain. Faites-moi donc mourir, puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal. Il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fit si mal du jour où il s'en alla. L'évêque fit venir trois chevaliers avec leurs lances. Menez jusqu'au couvent cette femme en démence. Va-t'en alors en folie, va alors aux yeux tremblants. Tu seras une nonne, vêtue de noir et blanc. Puis ils s'en allèrent sur la route tous les quatre. La Lorelei les implorait et ses yeux brillaient comme des astres. « Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir une fois encore mon beau château, pour me mirer une fois encore dans le fleuve. Puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. » Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés. Les chevaliers criaient « Lorelei, Lorelei !» Tout là-bas, sur le Rhin, s'en vient une nacelle, et mon amant s'y tient. Il m'a vu, il m'appelle. Mon cœur devient si doux. C'est mon amant qui vient. Elle se penche alors et tombe dans le Rhin pour avoir vu dans l'eau la belle Lorelei, ses yeux couleur du Rhin, ses cheveux de soleil. Fin du poème, enregistré par Namouzette. Cet enregistrement fait partie du domaine public.